Ça ira avec ça. Oh, essaye avec ça. Ça, c'est de la double pédale, ça. C'est que de ça. On y va ? On essaye ? Sur le 1, là, tu vois, c'est 16 mesures ou il en faut plus? C'est balèze, mais ça peut travailler. Thank you. Ouais, c'est pas mal à la base ce que tu fais. Alors là, c'est que la descente, normalement, quand on fait Paganini, là, c'est juste une partie.